Chapitre 20, page 157. Exercice 3. 1. Tu sais bien comment ça se passe. D'un côté, il y a les cadres de l'entreprise qui ont des réunions entre eux. De l'autre, les petites mains comme moi qui ne sont jamais au courant de rien. 2. Que je parte 2 semaines en juillet ou en août, cela ne change rien pour moi. 3. Quand je vois tous ces touristes qui vont en vacances au même endroit, à la même époque de l'année, cela me stupéfie. 4. Nous avons vu un film à la télé l'autre soir qui était vraiment un film de filles, avec des histoires d'amour un peu sucrées. 5. La façon dont on se sert du mot républicain m'énerve un peu. Il n'a plus aucun sens réel. 6. Je suis complètement nulle en langue étrangère et je n'ai jamais pu en apprendre une seule. 7. Tu ne peux pas dire que les Français sont racistes. Tous ne le sont pas tout de même.